AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nu comme un grec, se dévêtir dans l'Antiquité. Il n'est pas pensable aujourd'hui de se balader dans la rue là qui coûte à l'air. Il n'est pas pensable non plus de sauter dans un métro ou un autobus nu comme un ver. Quelle place pour la nudité dans nos sociétés. Notre imaginaire du corps de l'Antiquité, en revanche, est un tantinet dénudé. La moindre visite dans un musée fait écarquiller les yeux ces corps de femmes, ces corps d'hommes, des corps nus. Que signifie être nu dans l'Antiquité ? Florence Guerchanoc, bonjour. Bonjour. À quel moment les Grecs de l'Antiquité se trouvaient-ils nus ? Principalement au gymnase, puisque le terme gymnase signifie le lieu où on s'exerce nu. Au moins c'est clair. Voilà, donc pas dans la rue, en toutes occasions. Mais c'est vrai que dans notre imaginaire, le corps antique est facilement nu, ne serait-ce que par la représentation qui en a été faite. Là, il a quelque chose qui marque notre imaginaire. Pourquoi cette omniprésence du nu ? Parce que la nudité renvoie à un idéal, mais qui caractérise le groupe des citoyens, des garçons et des adultes, et qui renvoie aussi à la beauté, et en particulier à la beauté d'un corps bien proportionné, qui renvoie à la beauté des dieux en premier lieu, puis à la beauté héroïque, puis à la beauté des citoyens, enfin qui constitue donc une certaine forme de hiérarchie ou déhiérarchie. C'est une lecture sociale en fait de ce corps qu'il faut faire pour comprendre autant de représentations de corps nus. Alors lecture sociale et anthropologique, lecture politique aussi et lecture religieuse sans doute. Y a-t-il des représentations du corps nu difforme ? Nous avons toutes ces statues sublimes, extrêmement équilibrées, mais attention, tout le monde n'est pas comme ça. À partir de l'époque hellénistique, donc à partir du 4e siècle avant notre ère et surtout 3e et 2e siècle avant notre ère, il semble qu'il y a un goût, en tout cas dans la statuaire, pour des corps nus difformes. Et donc on a du mal malgré tout à s'expliquer ces représentations qui renvoient à des corps hors normes, laids, difformes, bossus, hypersexualisés, etc., etc. Aujourd'hui, nous réfléchissons à cette idée de nudité, de se dévêtir dans l'Antiquité, parce que la nudité veut dire l'absence de vêtements. Valérie Huette, bonjour. Bonjour. C'est vrai que, on le voit tous, au moment de la visite d'un musée, ne serait-ce qu'avec des enfants, ils n'ont jamais vu autant de corps nus. Il y a cette association de l'Antiquité et du corps nu. Le corps nu, c'est le corps dévêtu. C'est important aussi de rappeler ce passage dans la vie de tous les jours. Il y a le vêtement. Le corps nu, c'est le corps du gymnase. C'est seulement le corps du gymnase ? Non, parce qu'en fait, être nu à Rome, c'est ne pas avoir le bon accoutrement au bon endroit. Donc, par exemple, Néron, quand il va dans une sorte de longue tunique d'intérieur au forum, il est nu. Et en fait, il n'est pas nu. Mais pour les Romains, il est nu parce qu'il porte pas la toge. Si on se réfère, par exemple, au livre de Pierre Cordier sur les nudités romaines, on s'aperçoit que le soldat nu ou dénudé, c'est celui qui a perdu ses armes. Ah oui, c'est beaucoup plus complexe. En fait, la notion de nudité que nous avons aujourd'hui, qui se définit par l'absence de vêtements, est une notion plus complexe dans la Rome antique. On retrouve cette notion-là dans la Grèce antique. Pour l'armée, oui, puisque être désarmé, c'est d'une certaine façon être nu. Oui, c'est ça, c'est l'absence de quelque chose, la nudité. Pour la Grèce antique, Florence Guerchanoc, il y a cette idée que la nudité apporte quelque chose. C'est pas simplement le fait de ne pas avoir de vêtements ou de ne pas avoir d'armes, parce que ça montre quelque chose, cette nudité. Ça montre la perfection. c'est censé montrer la perfection. On ne peut pas dire que tous les corps des citoyens et de leurs enfants étaient parfaits. Mais on a un certain nombre de discours où la nudité renvoie à des formes de beauté et donc de perfection. Voilà, il faut que le corps soit complet, extrêmement équilibré, même si parfois certains corps que nous voyons aujourd'hui dans les musées ont quelques manques, notamment les bras, mais ils demeurent extrêmement équilibrés. Je peux dire un mot à Praxitèle? Oui, mais on fait vite. Ce sera vite fait. Praxi, oui. C'est bien toi qui avais sculpté la Vénus pour le messe des officiers. Oui, pourquoi? Eh bien, patatrac. En amenant le piano, ils l'ont flanqué par terre. Non. Alors Milo, le cantinier, tu connais Milo, m'a dit, tu diras à Praxi que ma Vénus n'a plus de bras. Oh. Voilà, c'est coupé là. Oh, oh oui, ça fait mal. Oh, hein? Enfin, je t'ai fait la commission, tu toujours est-il. Oui, oui, bon, filet. Oui, eh bien, le temps, quand même, hein, le temps de... Bon. Oui, le temps quand même, c'est Philippe Noiret, évidemment, de l'émission Blague à part en 1963, qui évoque Praxitèle et la Vénus de Milo. Et ici, nous avons cette notion de Vénus. Quelque chose d'important aussi de savoir quel corps est représenté dans l'art, à travers les siècles. La Vénus est représentée, la déesse est représentée, et pour la religion aussi, le Christ est souvent nu. Le corps représenté dans la Grèce antique n'est pas toujours celui de quelqu'un déifié. Florence Gershanok, est-ce que tous ces dieux sont nus? Nous le savons que non, mais est-ce que des mortels sont représentés nus? Des héros. Des héroïnes, pardon, aussi, hein, Atalante. Mais on a des variations aussi bien dans le corpus vasculaire, donc des vases grecs attiques ou même de Grande Grèce, et dans la statuaire. Oui, le héros est représenté nu. Il peut, mais pas toujours. Mais pas toujours. Qu'est-ce qui fait la différence? Que veut-on montrer au moment où l'on montre un corps nu? Ça renvoie toujours, enfin, ou le plus souvent en tout cas, à la force, à la virilité et à la beauté du côté des héros masculins et du côté des héroïnes. Ça renvoie aussi à des formes de beauté, mais qui sont distinctes. Oui, c'est ça, c'est pas du tout la même chose. Non. Et de toute façon, si on prend les divinités, même les héroïnes, d'une certaine façon, cette nudité n'apparaît que, enfin, apparaît à partir du 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire plus tardivement que la nudité, soit des dieux, soit des héros, soit des humains. Oui, il y a une chronologie à prendre en compte. Oui, il y a une chronologie. Cette chronologie est importante et dans la civilisation romaine, là aussi, on va trouver énormément de corps nus, mais nous connaissons la proximité entre la civilisation grecque et romaine. Ce corps nu de l'Antiquité romaine est-il le même que celui de l'Antiquité grecque? Bonjour Sylvie Villers. Stéphanie Villers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences d'histoire et d'anthropologie des mondes romains à l'Université de Paris. Vous êtes l'auteur de Dieu et homme dans l'Antiquité gréco-romaine. Là, il y a comme une synthèse de tout ce qu'on vient de dire, hein. Il y a ce monde grec, ce monde romain, ces dieux et ces hommes. La représentation du corps nu évolue nettement dans l'Antiquité? Alors, elle évolue avec le temps, mais à Rome, effectivement, les artistes en particulier reprennent l'essentiel des canons de l'art grec, en particulier à partir de l'époque hellénistique. Hein. Donc, on a des formes grecques qui arrivent dans une culture romaine qui n'a pas tout à fait le même regard sur la nudité. Donc, effectivement, on a des périodes d'expérimentation, par exemple, donc entre le 2e, 1er siècle avant notre ère, où on a des généraux romains qui se font représenter en nudité héroïque à la grecque, quelque chose qui se pratiquait dans le monde grec, avec un portrait romain qui choque parce qu'il est assez réaliste, assez vériste, hein, donc dans un style un peu particulier. Et cette combinaison entre un portrait d'un homme politique et dans une nudité héroïque, on pourrait presque transposer aujourd'hui si on mettait le portrait de notre président de la République sur un corps nu, ça ferait bizarre, même si on est habitué au code, évidemment, de la beauté grecque, etc. Donc on a eu ces formes qui ont un peu étonné quand c'est arrivé en plusieurs étapes dans le monde romain. Et ensuite, ça s'est effectivement généralisé sous certaines formes, mais en tout cas, ça s'est banalisé d'une certaine façon dans le monde romain qui en a usé et abusé. Et ce que l'on retrouve dans nos musées, Valérie Huette, vous évoquiez l'importance du vêtement, parce que le vêtement est lié à la nudité, et pour le corps du général romain ou de l'empereur, le vêtement peut lui-même représenter le corps. Je pense à la cuirasse notamment, mais toujours avec... tablette de chocolat, des pecs impeccables. Oui. Alors, il y a aussi une autre catégorie de nus à Rome, dont on n'a pas parlé, qui n'est pas du tout du côté des dieux, c'est du côté des esclaves. Donc, si vous voyez, par exemple, dans une scène, enfin une fête, hein, si vous voyez des hommes qui sont pieds nus, avec juste un pagne et torse nu, ce sont les esclaves chargés de s'occuper du sacrifice des animaux, de les conduire, de les tuer, de les découper, de les cuisiner, etc. Donc, et par contre, quand on est du côté des divinités ou des héros, comme disait Stéphanie précédemment, par exemple, les femmes sur le monument funéraire se font représenter en Vénus, mais leur portrait qui en fait apposé sur un corps idéal détonne avec ce corps pour nous contemporains parce qu'il est ridé et les rides du visage sont un signe à la fois d'austérité et de dignité chez les Romains. Oui, c'est ça. Il faut avoir les codes, en fait, pour comprendre tous ces corps nus. Et ces codes sont extrêmement complexes. Florence Gershanok, pour ces corps parfaits, celui du héros, de l'héroïne, le corps de la déesse ou du dieu ou du général, nous avons, à l'inverse, le corps nu de celui qui est vaincu. Le barbare est nu. Alors, je parle de représentation, mais on pourrait aussi parler de représentation telles qu'elles apparaissent dans les textes. Alors, le barbare n'est pas, comment dire, quand il est vaincu, il n'est pas forcément nu, mais on a quelques récits que l'on doit notamment à Xénophon, qui datent du tout début du 4e siècle, et qui rapporte que Agésilas, roi de Sparte, durant sa campagne en Asie, pour un petit peu stimuler ses soldats, met à nu des soldats barbares et leur montre que leur corps dénudé ne doit pas leur faire peur, parce que ils sont pleins de graisse, ils ont une carnation blanche et qu'ils ressemblent du coup, pour les critères grecs et les canons grecs, à des femmes. Et donc on a cette idée qui se construit en fait à partir du 5e siècle avant notre ère, d'une opposition en fait ethnique entre grecs et barbares, avec une nudité du côté grec qui renvoie au monde de la cité, aux citoyens, à la liberté, et des barbares qui eux sont présentés vêtus avec des parures extrêmement riches, qui en imposent de cette façon-ci, plein de luxe, mais quand ils sont dévêtus, en fait, ils sont décrits par le biais de corps qui sont assimilés à ceux des femmes. Et donc, on a là des lieux communs pour, les ridiculiser. Oui, on retrouve ça dans la civilisation romaine, Stéphanie Villers, cette idée que le barbare, souvent on résume le barbare, c'est celui qui parle pas la langue romaine ou grecque, mais non, c'est plus compliqué, le barbare n'a pas le même corps que le grec ou le romain. Oui, absolument. Si on regarde, par exemple, Jules César, la guerre des Gaules, qui décrit alors les Germains, qui sont un peu plus lointains que les Gaulois eux-mêmes, plus éloignés de la civilisation gréco-romaine, il décrit clairement le corps des barbares, alors comme des corps très très vigoureux. Hein, il n'y a pas du tout de mépris sur la force physique qui est entretenue, mais par contre sur le costume, hein, notamment les jeunes gens qui sont qui se baignent ensemble, garçons et filles, et les adolescents, ça choque beaucoup César. En même temps et nu évidemment, et par ailleurs qui se vêtent de petites fourrures, dit-il, qui laissent apparentes des parties du corps, de grandes parties du corps. Il précise pas la taille du bikini de la germaine, de la jeune germaine, mais on voit effectivement qu'il y a ces marqueurs qui sont une échelle dans la civilisation, et le costume bien identifiable qui couvre la pudeur des gens, c'est un des critères et un des marqueurs. Et l'autre aspect, si je peux me permettre, c'est les barbares quand ils sont vaincus. Là, c'est quand ils les observent en anthropologue. Quand ils sont vaincus, en revanche, il y a un double aspect, c'est que d'une part, on va les représenter en images sur les monnaies très dévêtues, quelquefois avec malgré tout un élément comme des braies pour identifier la nature du barbare, mais sinon dévêtus, parce que d'une part, ils ont perdu à la guerre, donc ils ont perdu leurs armes, donc ils sont dévêtus, et d'autre part, ils deviennent esclaves, et les esclaves, justement, ils ont une étape de désocialisation, de réification. Ils deviennent des choses le temps qu'on les achète, et on va les exposer nus sur l'estrade du marché aux esclaves pour montrer la marchandise. Avant, ensuite, ils ne restent pas nus, hein, les esclaves. On va les rhabiller, hein, mais effectivement, donc on a cette double nudité dégradante qui va être le fait des barbares vaincus. Voilà, le nu, c'est pas simplement montrer un beau corps nu dans l'Antiquité. À vous écouter toutes les trois, on comprend bien tout l'enjeu qu'il peut y avoir derrière, social, politique, avec cette question toujours, mais qu'est-ce qu'un beau corps? Qu'est-ce qu'un beau jeune homme nu? Le jeune homme idéal. Les joues imberbes, la poitrine robuste, le teint vermeil, les épaules larges, le discours bref, la fesse rebondie et la verge menue. Aristophane, les nuées. Un extrait d'Aristophane. Nous sommes donc au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Aristophane. C'est dans LSD, la série documentaire qui s'interrogeait à un masculin. Est-ce ainsi que les hommes se vivent? À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. LSD, série documentaire. Florence Guerchanoc, il y a ici au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans ce texte d'Aristophane, le cahier des charges. Il est là, voilà ce que doit être le beau jeune homme. Qu'est-ce qui fait un beau corps aux yeux des Grecs? Aristophane, dans Les Nuées, on rappelle quelques éléments. Mais globalement, ce qui fait un beau corps, on a peu d'éléments en fait qui décrivent un beau corps au 5e siècle avant notre ère. Hormis là ce que dit Aristophane. Mais quand on regarde les textes, en fait, ce qui fait un beau corps, c'est la symétrie. De bonnes proportions. Et un corps correctement charnu, avec une belle carnation. La belle carnation, vous disiez les barbares, ils sont tout blancs parce qu'ils sont tout oui, le temps donc habillés. Du coup, faut être un peu bronzé. Une couleur de bronze, puisque l'exercice se fait à l'extérieur. Et donc, on a une opposition entre ceux qui s'exercent à l'extérieur et qui ont une belle carnation et, par exemple, des artisans qui vont travailler dans des ateliers et qui, du coup, vont avoir un teint pâle qui va les faire ressembler à des femmes. Et du coup, ça, c'est aussi un argument qui est mobilisé par Aristophane, puisqu'il présente une version aristocratique de ce que doit être un beau corps. Un beau corps masculin et jeune, puisqu'il y a aussi la jeunesse. Oui, parce que c'est ça qui est important. Vous avez raison de le souligner. Le beau corps masculin, y a-t-il une autre lecture à avoir du beau corps féminin? Je ne sais pas, Valérie Huette, est-ce que le beau corps féminin répond aussi à cette notion d'équilibre? Oui, en fait, c'est s'approcher le plus possible de l'image de Vénus. Donc à Rome, vraiment, déjà avoir au banquet pour une femme, femme de citoyen romain, sa tunique hein, qui tombe de l'épaule, c'est déjà se présenter comme une Vénus et montrer qu'elle est amoureuse de son mari. Donc il y a tout un ensemble de codes sur ces différents éléments. Pour un corps masculin, il peut être beau par ses cicatrices. Ah oui, parce que là, nous sommes dans le signifiant aussi avec la cicatrice. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a combattu? Ça veut dire qu'il a combattu. Il faut avoir des cicatrices, bien sûr, qui sont sur le poitrail hein, et pas derrière. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'il les a reçues quand il était en train de fuir. Donc, il y a tout un code hein, qui est utilisé de manière politique hein, par un certain nombre de sénateurs romains qui, tout d'un coup, pour appuyer leur discours, vont ouvrir leur toge. Hein. Ça veut dire qu'ils ont préparé à l'avance. C'est censé être spontané, mais pas du tout parce qu'ils n'ont pas de tunique en dessous. Et ils exhibent leurs cicatrices pour donner plus de valeur à leur discours. Nous l'avons dit, hein, dans la civilisation grecque, il y a ce moment du gymnase qui est essentiel pour la nudité parce que le corps est nu. Retrouve-t-on ce moment-là dans la civilisation romaine, Stéphanie Villers? Alors, les Romains ont adopté, effectivement, et développé hein, tout le thermalisme, hein, qui est un moment social extrêmement important depuis la fin de la République et sous l'Empire, avec justement des règles aussi, des codes sur le corps et la nudité. Alors, il y a le travail du corps qui est, alors, regardez, par certains auteurs comme une décadence à la grecque, par d'autres évidemment comme quelque chose de magnifique comme les Grecs. Hein. Donc on a le double discours, mais dans la pratique ça s'est énormément développé. Ce qui est intéressant, c'est des discours sur la façon dont ça pouvait être reçu et sur certains codes. Par exemple, Cicéron explique qu'il est indécent pour un père d'aller au terme avec son fils pubère ou son gendre. Hein. Lui-même, il dit « je vais quand même pas aller avec mon gendre, je vais pas me mettre nu devant lui ». Donc, effectivement, on va au terme, on se met nu, évidemment, pour l'hygiène, pour le sport, pour la culture, pour toutes sortes de pratiques sociales importantes. Mais il y a ces règles qui font que cette nudité n'est pas du tout évidente hein, et que donc on voit qu'on ne va pas avec n'importe qui au terme à n'importe quelle heure pour faire les mêmes activités. Oui, voilà, on ne se met pas nu n'importe où, ça c'est presque une évidence, mais on ne se met pas nu avec n'importe qui. Dans le cas du gymnase grec, là aussi on ne se met pas nu directement, c'est-à-dire que le gymnase, ce n'est pas tous les hommes qui sont présents qui sont nus. Non, il y a par exemple des esclaves au gymnase qui n'ont pas le droit d'être nus, pour justement les distinguer des citoyens et de leurs fils. Et en outre, il y a aussi des moments où on peut être nu dans le gymnase, où on peut le fréquenter. On distingue les classes d'âge. Les plus jeunes, pour les préserver, les protéger d'agressions sexuelles de la part des plus âgés, fréquentent le gymnase à des heures distinctes des adultes. Et on a des lois qui le spécifient. Par exemple, la loi de Béroïa, qui date de 100 avant notre ère, montre bien qu'il y a des horaires distincts pour fréquenter le gymnase. Et puis ces corps nus au gymnase, ce sont tous les corps, parce que vous parlez ici des tranches d'âge, donc ça veut dire que le corps nu qui se voit au gymnase n'est pas uniquement celui de l'éphèbe, celui du jeune homme bien bâti. Tout le monde peut être nu, selon sa condition sociale et au bon moment. Absolument, si ce n'est qu'il y a toute une catégorie de personnes qui sont exclues du gymnase et qui n'ont pas le droit de le fréquenter. Soit en raison de leur statut social, donc si je prends Béroïa, il y a les esclaves, les artisans, les commerçants, les ivrognes, les fous. Donc il y a à la fois le statut social et le comportement. Oui, et puis dans le comportement, il y a le comportement que dévoile, que dénonce le corps. Que dénonce le corps, oui, parce que le corps, ça montre tous nos excès, ce qu'on fait bien et parfois ce qu'on ne fait pas bien. Pour me motiver, j'ai créé sur Twitter un hashtag pour me venger de toutes les moqueries, me venger de tous ceux qui un jour m'ont dit « Eh mec, t'as un corps de Dieu !» France Culture, le cours de l'histoire. Dommage que ça soit Bouddha. Le hashtag from Bouddha to Apollon. Notre objectif, c'était qu'à la fin, en voyant les résultats, Apollon lui-même se dise. Xavier Mauduit. Je suis gros. Eh ben oui, ça c'est les youtubeurs du rire jaune qui se moquent. C'est vrai qu'avoir un corps de Dieu, si c'est Bouddha, c'est pas dans notre imaginaire extrêmement positif. Valérie Huette, il y a de cela dans cette longue lecture de la civilisation gréco-romaine, ces codes qui se transposent. Au moment de travailler sur la figure des dieux, sur la construction du divin, vous l'avez fait, c'est vrai, avec, je pourrais dire, les noms de vos co-auteurs, hein, Sylvia Estienne, François Lissarag et Francis Pro. Il y a ici un mot qui est resté, c'est Apollon. Aujourd'hui, c'est un mot du vocabulaire français. Il est beau comme un Apollon. Il y a beaucoup d'imaginaire ici. C'est toujours très dur de savoir en fait à quel point l'imaginaire correspond à une réalité. Est-ce que ce corps nu du jeune homme, extrêmement musclé, est quelque chose qui est mis en valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui est exhibé dans la civilisation romaine? Pas tant que ça. Et ça serait plutôt la figure de Mars. Alors, s'il est nu, on va dire c'est Arès, c'est-à-dire c'est la figure du Mars grec qui est mis en avant. Et s'il a la cuirasse, hein, même si c'est une cuirasse, comme vous l'aviez dit précédemment, qui montre les pectoraux, les bons muscles aux bons endroits, il sera quand même habillé. Et autrement, la grande figure, c'est Hercule. Hercule, il suffit de penser à la statue d'Hercule Farnèse, qui est extrêmement musclée, qui est une statue colossale et qui est exhibée dans les bains de Caracalla. Donc on est justement dans ces jeux de reflets. Ceux qui allaient se baigner au bain de Caracalla pouvaient mesurer en quelque sorte leur corps, leur nudité par rapport à ce corps extrêmement extrêmement musclé d'Hercule, qui, suivant les siècles, a été soit loué, soit au contraire considéré comme ridicule. C'est une usine à complexe, hein, d'un autre terme, parce que si on voit non, mais c'est un Hercule et on se compare. Non mais Valérie Huette, vous nous avez expliqué que la cicatrice peut être valorisée, que ce corps nu est associé facilement au dieu Mars. Dans ce monde romain, il y a quelque chose de très militaire, j'ai l'impression, par rapport à la nudité. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en tout cas, c'est comme ça que pendant des siècles, les Romains ont voulu se définir. On a tout un ensemble de textes, si je pense à Cicéron, qui dit la grande force des Romains, c'est d'avoir vaincu les Grecs. Et pour eux, les arts, hein, et c'était dit au départ à propos de la poésie, on a souvent oublié, mais les arts sont grecs. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a des moments à Rome, tous les moments de loisir, de plaisir qu'on définit sous le mot otium, sont des lieux où on peut se comporter comme un grec. Et pour le corps nu de l'antiquité grecque, j'ai l'impression que là aussi il y a un autre message envoyé qui est peut-être moins militaire, qui est de montrer la bonne santé de l'ensemble de la cité. Parce que ce corps du gymnase n'est pas simplement militaire, Florence Gershanok. Non, il n'est pas seulement militaire. Il est avant tout celui de l'exercice au gymnase, en fait. Dans un contexte militaire, les choses sont différentes. Mais ce beau corps nu, c'est d'abord... Enfin, c'est avant tout un corps jeune, on l'a dit tout à l'heure, et un corps désirable, érotisé. Et c'est aussi un corps, effectivement, qui renvoie à la bonne santé. Et bonne santé de la cité. Donc on exhibe ces garçons, ces jeunes gens et ces adultes, on exhibe leur beau corps pour faire montre de puissance. Oui, c'est une puissance à travers le corps de quelques personnes, de l'ensemble de la cité. Mais Absolument. Vous venez de le dire, la bonne santé, ça, Stéphanie Villers, c'est quelque chose qui est évident dans l'ensemble du monde gréco-romain et jusqu'à aujourd'hui, avec des variations dans l'histoire. C'est que la représentation du corps musclé, nu, c'est la bonne santé qui s'affirme. Et ça, c'est important, ça transcende même l'ensemble de toutes ces réflexions. Oui, absolument. Et justement, par rapport aux exemples que Valérie a donnés d'Hercule, hein, vraisemblablement, on a surtout les représentations, bien sûr, mais vraisemblablement, tous les Romains n'étaient pas musclés comme Hercule. Et au contraire, effectivement, ce qui était recherché, c'était l'équilibre qui montrait l'intériorité. L'intériorité, donc la santé, mais aussi l'intériorité morale qui se voyait sur le corps. Donc chez les Romains en particulier, c'est la rigueur morale. Le courage, bien sûr, l'équilibre, la tempérance qui va se voir sur un corps et donc, alors, plus ou moins dénudé, mais en tout cas, effectivement, la question de la carnation dont on a parlé, de l'équilibre, de la symétrie, comme on a vu en Grèce avec Florence, on a ces mêmes critères qui vont être mis en valeur et depuis l'enfance. Hein, on façonne les corps pour que ces corps correspondent à cet idéal moral qui doit se voir sur le physique. Correspondent à l'idéal moral. Vous venez de dire sans doute l'essentiel, c'est un jeu de regard, c'est-à-dire que le corps exhibé n'est pas pour soi. On les imagine pas devant des miroirs en train de... ou avec des selfies comme ça se fait partout en ce moment. C'est pas ça, c'est vraiment une projection vers l'autre pour que la personne, par sa nudité, exhibe le fait qu'elle réponde aux attentes. Exactement. Et de toute façon, la nudité n'est qu'une question de regard. Je veux dire, quelqu'un de seul, effectivement, n'est pas nu. C'est toujours une question de regard. Ça a été questionné par les mythes, ça, notamment, avec, on parlait des corps nus des déesses. Hein. Vénus, on la voit toujours nue. Les autres déesses, elles ne sont pas nues, normalement, si vous pensez aux mythes de Diane et d'Actéon. Diane, c'est la déesse vierge par excellence. Elle est évidemment belle comme une déesse, mais il ne faut pas la voir. Actéon, c'est un chasseur, un beau jeune homme qui la surprend. C'est ce regard sur la nudité qui va faire son malheur. Évidemment, lui, il va être châtié et tué par ses chiens de façon absolument horrible. Donc ce regard sur la nudité, effectivement, il est questionné par les mythes. Et c'est souvent, quand on disait tout à l'heure, la définition de la nudité à Rome, c'est de ne pas être habillé comme il faut. C'est parce qu'on vous regarde dans un contexte particulier où on attend de vous un costume et si c'est pas le bon, vous êtes nu. Donc ce regard est tout à fait central pour définir la nudité antique. Et cette nudité, qu'elle soit grecque, qu'elle soit romaine, n'est qu'un jeu de regard avec des moments particuliers où il est envisageable d'être nu. Lors des concours de virilité, on sélectionne les plus beaux mâles et on leur confie le soin de danser au premier rang. À Élis, on choisit aussi de beaux mâles. Le vainqueur a l'honneur de se voir confier les vases sacrés de la déesse. Le deuxième prix conduit le bœuf, tandis que le troisième s'occupe des prémices sur l'autel. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait du Banquet des Sophistes, la seconde moitié du deuxième siècle de notre ère, et qui évoque ces concours de virilité. Florence Garchanok, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est les concours de Mister Cité Grecque, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. C'était organisé comment? Vous avez une partie de ces concours qui sont organisés dans le cadre du gymnase, à la fin de l'année éphébique, qui marque le passage, vers l'âge adulte. Et donc, dans le cadre du gymnase, vous avez des concours de hexia, c'est-à-dire de belle prestance, où vous avez des citoyens de la cité qui, vont sélectionner les plus beaux jeunes hommes, sur la base de à la fois des exercices au gymnase durant l'année, sur la base de ce qu'est leur corps, de ce qu'ils peuvent jauger à vue d'œil, ou de peut-être ce qu'ils peuvent palper de ce corps. Et on a aussi des concours qui concernent les adultes, mais qui renvoient plutôt cette fois-ci à des courses en armes, lors notamment de grandes fêtes de la cité, on le sait pour Athènes au IVe siècle, lors de fêtes en l'honneur de Thésée. Et donc là, on a des concours de belle virilité qui mettent en avant le courage, la force de l'armée, et qu'on exhibe en fait dans la cité, parce que ce soit les adultes ou les plus jeunes, ils incarnent la pérennité de la cité, la force, le courage, la puissance. Est-ce qu'on va retrouver ce type de concours dans le monde romain de la même manière? Parce qu'ils sont toujours présents dans la Grèce, même sous domination romaine. On ne va pas avoir ça dans le monde romain. Enfin, est-ce que c'est concevable, ce type de concours de Mister Rome? Alors, parce qu'il y a Marie-Lyrie Huet et Stéphanie Miller, les deux spécialistes, qui se regardent, qui disent a priori non, qui se lancent. A priori non. Ce qu'on peut voir, c'est plutôt les combats de gladiateurs, où il y a des gladiateurs qui sont, pour les femmes romaines notamment, très beaux. À Pompéi, on a des déclarations d'amour, des rendez-vous marqués en graffiti sur les murs extérieurs de la ville, dans certaines rues, et qui disent « Toi, un tel, tu es très beau, tu es très musclé, je te donne rendez-vous à telle heure, etc. » Mais des concours de beauté en tant que tel, non. Ce qui est remis à l'honneur sont les jeux, les Jeux olympiques notamment, différents jeux grecs. Mais je ne vois pas de concours de beauté. Je ne sais pas, Stéphanie peut compléter. Voilà, a priori, il n'y a pas de sources qui nous font état de tels concours. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, dans les contextes rituels, il faut qu'il y ait, un peu comme dans le monde grec, des personnes parfaites, physiquement parfaites, donc qui doivent être aussi les plus belles. On sait qu'il y a une sélection des animaux, notamment, qui vont être les animaux sacrificiels. Alors là, on ne sait pas quels sont non plus les critères précis de beauté, mais on sait qu'il faut que ce soit la plus belle génisse, etc. Et donc, vraisemblablement, les chœurs d'enfants qui chantent les hymnes, etc., devaient probablement être sélectionnés sur des critères aussi physiques. Enfin, ils ne devaient pas avoir de défauts. Mais on n'a pas du tout de source qui nous parle de cette sélection. Ces concours de virilité dans le monde grec ne sont pas donc imaginables dans ce monde romain. Si nous changeons de genre, Florence Garchanok, est-il envisageable dans le monde grec un concours, non pas de virilité, mais de beauté féminine? Il y a quelques attestations de concours de beauté féminine du côté des jeunes filles ou des épouses, mais elles sont habillées. Oui, donc ce n'est pas la nudité. Voilà. Ouais. Mais du côté des courtisanes, on a quelques attestations de concours de beauté, notamment, tardivement, mais on a des jeux qui semble montrer que dans le cadre du banquet, les courtisanes font montre de beauté, et on a des textes qui nous montrent que les plus belles le sont parce qu'elles sont nues et qu'elles ont un corps qui s'approche d'un corps athlétique masculin. Ah, c'est compliqué. Bah, effectivement, on comprend, parce que là, vous dites les courtisanes, c'est-à-dire que dans la cité grecque, la femme ne peut pas se montrer nue, n'a pas de moment où il est prévu qu'elle soit nue. S'il y a courtisanes, il y a d'autres moments? Alors, en principe, sauf dans certaines cités où les filles, jusqu'au mariage, peuvent, par exemple, à Sparte ou en Élide, s'entraîner nues. Alors, leur nudité est particulière, puisqu'en fait, elles ne sont pas nécessairement totalement nues. Elles peuvent porter une tunique courte jusqu'aux genoux. Elles peuvent, en Élide, avoir l'épaule, une de leurs épaules dénudée. Mais pour les autres Grecs des autres cités, c'est inconvenant. Et elles sont nues. Or, elles ne le sont pas totalement. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que la nudité, c'est la définition qu'on en fait. Voilà. Et donc, par exemple, à Sparte, on nous dit que les jeunes filles, c'est une cité particulière, s'exercent nues et courent. Ouais, donc là, on a quelque chose qui est quand même relié à la virilité, au sens où il y a la notion d'exercice. Mais D'une certaine façon, mais disons que cet exercice nu est, comment dire, dans les textes dont on dispose, est présenté de la façon suivante. Il s'agit pour ces femmes de s'exercer, plus ou moins nues donc, et de fortifier leur corps pour produire ou enfanter des enfants robustes et pour résister aux douleurs de l'accouchement. Et dans d'autres cités, leur nudité est inconvenante et on explique que c'est la raison pour laquelle on a la figure emblématique d'Hélène qui est adultère, puisque dans des cités où finalement on autorise les filles à être nues, il est normal que finalement elles aient des mœurs légères. Oui, il y a tout de suite une lecture. Non, mais c'est vrai qu'elle est passionnante, cette lecture de la nudité, parce que elle est complexe. Et la nudité des femmes dans le monde romain, est-il envisageable qu'à certains moments les femmes soient nues? Oui, il y a les thermes, déjà. Est-ce que des femmes peuvent se rendre aux thermes? Alors oui, les thermes, effectivement, les femmes y vont, pas en même temps que les hommes, mais elles y vont, effectivement. Et là, elles sont nues entre elles. Elles sont a priori nues entre elles, tout à fait. Et donc, je voulais juste simplement rebondir avant de vous répondre sur Hélène, hein, parce qu'on a un épisode qui vient du monde grec, mais que les Romains connaissent très bien. Hein, c'est le fameux peintre Zeuxis qui doit peindre une Hélène, et justement il est commandité par la cité de Crotone dans le sud de l'Italie pour peindre une Hélène, et il dit mais comment est-ce que je vais trouver un modèle aussi parfait? Et donc pour ça il va chercher ses modèles, il va d'abord à la palestre, c'est une cité grecque, il va d'abord à la palestre pour voir des beaux jeunes gens, des beaux jeunes hommes, des adolescents, et il dit les sœurs sont aussi jolies. Et donc, il fait sa sélection d'abord sur les frères. Ensuite, il va trouver les sœurs. Et pour construire cette beauté parfaite assez dénudée d'Hélène, il va prendre des parties de chacune des filles qu'il aura sélectionnées. Parce que la beauté idéale n'existe pas en tant que telle. Par contre, celle-ci, elle avait un beau visage, celle-là, une belle cuisse. Et donc, il a fait un modelage. Donc, c'est évidemment très intéressant de voir aussi cette fluidité entre les garçons et les filles. C'est passionnant de voir une construction, en fait, de l'image. Et là, vous êtes passé par le biais de l'artiste, de celui qui crée. Ben, je vous en propose un autre artiste. Alors, c'est Olivier Martineau, bien sûr, qui va faire une lecture qui évoque Polyclète, sculpteur antique. Quant au corps, il faut, à mon avis, qu'il soit calqué sur le modèle de Polyclète. Il ne doit pas être trop grand ou allongé au-delà de la mesure, ni réduit et minuscule de nature, mais exactement dans la moyenne. Ni trop bien en chair, ce serait invraisemblable. Ni mince à l'excès, car il paraîtrait squelettique et cadavérique. C'est Lucien Samosat, nous sommes au deuxième siècle de notre ère, qui évoque le corps idéal. Et là, nous avons quelque chose de passionnant. Stéphanie Villers, qui est vraiment cette continuité avec l'idée de mesure. Il y a cet équilibre. En fait, c'est cet équilibre qu'il faut sans cesse atteindre, mais presque dans un rapport cosmique d'idéal. L'équilibre du corps et l'image de l'équilibre de la cité, de la puissance d'une armée, et que tout va bien. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le reflet de l'intérieur, de l'équilibre, de la force, de la santé, de la rigueur morale qui va s'exprimer par le physique. Ce qu'on remarque dans ce genre de description, on aurait pu aussi penser à l'homme de Vitruve qui va proposer des proportions tout à fait similaires à ce que l'on vient d'entendre chez Lucien. C'est cette question de symétrie d'équilibre qui va primer, et donc de juste équilibre, aucun excès dans aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne rentre pas plus dans le détail de la beauté, par ailleurs. On ne dit pas... ça reste très générique du moment qu'on est équilibré, encore une fois. Et puis avec cette idée de naturel. Parce que pour atteindre un corps comme celui-là, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut faire l'effort de ne pas trop manger, faire l'effort de l'exercice. Et ça aussi, c'est très important, cette idée du naturel. Et on le voit très bien dans les représentations. Oui, tout à fait. Et donc, ça doit être effectivement, un équilibre naturel. Et on voit dans les prescriptions des médecins, notamment, ou d'autres textes, justement, depuis l'enfance, ce qu'on disait tout à l'heure, depuis l'enfance, on façonne les corps pour qu'ils aient l'air naturellement équilibré. Donc, on va emmailloter très serré les petits, les nouveau-nés, et les dégager progressivement pour que ça se développe au bon endroit. On a des textes intéressants aussi de Terence, par exemple, qui explique que les filles, on les met au régime, on leur bande la poitrine pour qu'elles aient pas une poitrine trop développée, on leur appuie sur les épaules pour qu'elles aient les épaules tombantes, etc. Bon, après, il y a des goûts. Alors, c'est réécrit dans une comédie. Donc, il dit, moi, je préfère les filles plus en chair. Bon, après, évidemment, il y a des questions de goût. Mais on voit par ce type de texte et les textes prescriptifs médicaux que ça se travaille, un corps naturellement équilibré et beau. Et puis il peut y avoir des artifices, Valérie Huette, le vêtement est là aussi. Alors le vêtement ou l'accessoire, vous avez travaillé sur les parures, les artifices, le corps exposé dans l'Antiquité. L'accessoire, il peut être là pour magnifier un corps. En fait, il y a beaucoup de triche dans cette histoire. C'est un peu comme les filtres Instagram. Oui, on peut mettre des postiches. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments. Je pensais à un contre-exemple, si on peut dire. Néron, dans la construction qu'on fait de lui et que Suétone fait de lui, évidemment, un corps absolument épouvantable. Et ça va de pair avec le fait que quand il veut aller combattre au moment où tout le monde fait la révolution en quelque sorte contre lui, il s'occupe surtout d'essayer de mettre ses concubines en Amazone, de faire une belle armée mais qui n'a aucun sens par rapport à l'armée romaine, et le temps qu'il fasse ça, finalement il est obligé de s'enfuir, il a tellement pas de rigueur morale qu'il est présenté comme devant supplier quelqu'un d'arriver à le suicider, qui est censé être une belle mort. Et lui-même n'arrive pas à se suicider. Donc tout va de pair. Oui, tout va de pair, écoutez. Si on peut dire. Non, mais vous pouvez le dire, Valérie Huette, parce que j'allais justement vous dire que aujourd'hui, la notion de nudité est souvent liée au sexe visible ou non visible. Quelqu'un que l'on va voir dans la rue, on va dire il est torse nu ou il est en short, mais on dira il est nu, il est nu uniquement si on voit son sexe. Florence Gershanok, pour les Grecs de l'Antiquité, cette notion, cette définition de la nudité ne vaut rien, en fait. Est-ce que ce n'est pas simplement le sexe visible qui fait le corps nu ? Un peu quand même. Un peu quand même, mais pas seulement. Sauf que ce corps visible, on l'a déjà dit tout à l'heure, tout dépend de la partie du corps et on qualifie cette nudité en fonction de l'apparence. Si on reprend les nuées tout à l'heure, il faut que la verge soit petite, que la fesse soit charnue. Par opposition au corps des sophistes qui lui est présenté par Aristophane comme étant de couleur jaunâtre, la langue tombante, etc., etc. Et la verge petite, ça c'est important parce que nous, oui, la notion de nudité... Oui, et on le voit dans les figurations par exemple, aussi bien dans la statuaire que sur les images vasculaires. C'est travaillé, c'est-à-dire que si la verge est en érection, on est dans un tout autre univers que la nudité acceptable, c'est bien ça. Absolument, ça dit autre chose. Et dans le monde romain, qu'en est-il? C'est vrai que la kikoute, à partir du moment où on la voit, il y a les poils aussi, et c'est, nous avons des statues particulièrement épilées d'hommes, de femmes dans cet univers-là. Stéphanie Villers, peut-on dire que la nudité telle qu'elle est fantasmée ou telle qu'elle est présentée dans la civilisation gréco-romaine est une nudité qui touche à l'idéal, mais qui n'est pas celle de tous les jours? On n'est pas dans des représentations du vrai corps nu. Oui, absolument. Les occasions de se mettre effectivement nus, les Romains disent les pudenda, hein, les choses honteuses, hein, les parties honteuses, hein, donc sont absolument exceptionnelles. Hein, c'est ce que je disais. Quand on voit quelqu'un de, alors que les représentations sont extrêmement fréquentes, hein, aussi bien donc les dieux, les déesses, les héros dont on a parlé, les représentations intégralement nues sont exceptionnelles. Dans notre langage, ce serait donc les esclaves au marché aux esclaves, mais ils ne sont pas considérés comme des personnes, donc ce n'est pas une nudité tout à fait sur le même plan symbolique, on va dire. Et sinon, bien sûr, les gens ne se dévêtaient pas. Et l'art, justement, sert à transposer ce genre de choses. Si vous pensez à une fresque comme la Villa des Mystères, qui est assez connue, hein, on voit qu'on a une matrone très vêtue. Elle a son geste de la pudicitia, de la pudeur, c'est-à-dire qu'elle est voilée, hein, quand elle se fait représenter elle-même. Et il y a toute une progression où elle se transpose en bacchante imaginaire, où là, la bacchante est complètement nue. On voit ses belles fesses, elle est en train de danser. Et donc, on a cette transposition dans l'univers mythique. Donc, souvent, il faut décoder ces images pour se rendre compte que c'était un monde extrêmement prude, le monde romain, hein, et que, à part quelques exceptions, dans certains spectacles, où il y a quelques striptease, dans certains mimes, dans le jeu des Floralia, vraisemblablement, il y a des prostituées qui font des striptease. Ça choque Caton qui s'en va pour laisser les gens rire. Mais voilà, donc on a quelques occasions de nudité vraisemblablement totale, et encore ce n'est pas complètement sûr. Et sinon, effectivement, les gens étaient fort habillés selon nos critères. Selon nos critères, avec ce paradoxe incroyable, hein, quand je disais dans les musées, c'est vrai qu'on voit énormément de corps nus. Donc ça, c'est resté dans nos esprits, Valérie Huette. Oui, et une femme qui sort non maquillée, même si elle a un voile, en quelque sorte, elle est nue. Donc il faut qu'elle soit maquillée, qu'elle ait du fard. Enfin, il y a tout un ensemble de codes. La nudité arrive très vite, en fait, à vous écouter aujourd'hui. C'est vrai que pour être considéré nu, c'est le nu intégral, dans l'Antiquité, avant d'être considéré nu, il y a des étapes quand même. Enfin, en tout cas, la nudité, elle arrive très très vite. Pas de maquillage, on est nu. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, pour une femme. Un homme, bien sûr, ne doit pas être maquillé. Et en jouant sur ce paradoxe entre les représentations que nous avons, d'une civilisation qui nous a offert autant de nus, Stéphanie Villers, vous avez cette idée de... ça ne reflète pas, en fait, cette réalité. C'est ça, c'est l'écart magique qu'il peut y avoir entre les représentations construites à travers les siècles. Pourquoi? Parce que ça nous a fascinés, ces nus de l'Antiquité? Oui, parce qu'ils sont fascinants, et c'est aussi une façon donc qui est bien passé, c'est pas forcément universel, mais en tout cas c'est passé d'une culture à l'autre dans la culture occidentale, hein. C'est que effectivement ces corps qui se dénudaient relativement peu, finalement en ont représenté beaucoup pour le spectateur, pour l'œil du spectateur, parce que peindre une belle déesse, peindre un beau héros, c'est évidemment une image érotique qui plaît, oui. Et qui plaît encore. Enfin, on est issu de ces codes-là, hein. Je veux dire, encore une fois, on parlera pas d'universel, mais c'est une façon d'ouvrir. Vous parliez aussi de Jésus, hein. Je veux dire, c'est une façon de représenter des beaux corps déshabillés, hein. Le prétexte du religieux, du mythe, etc. C'est une façon de le transposer. Donc c'est ça qui a particulièrement plu qu'un homme en toge, qui est intéressant, qui est passionnant, mais qui a été moins représenté parce que c'est moins beau à voir. Non, mais c'est vrai que s'extasier devant la qualité de représentation du pli du tissu, c'est superbe aussi. Mais c'est sûr aussi. Que ça nous renvoie moins à tout cet univers que vous nous avez expliqué toutes les trois. Alors je rappelle, Stéphanie Villers, hein, vous êtes donc maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Cité, l'Université de Paris-Cité où on vous retrouve aussi, Florence Guerchanoc, hein, vous êtes professeure d'histoire grecque à l'Université de Paris-Cité. Vous avez écrit Concours de beauté et beauté du corps en Grèce ancienne. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de Mister Grec, mais il n'y avait pas les Miss Aujourd'hui, nous avons conservé principalement les miss. C'est très drôle de voir cette évolution de l'imaginaire. Et vous avez écrit notamment avec Valérie Huette, qui est professeure en histoire ancienne à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest donc. Merci beaucoup à toutes les trois pour ce panorama sur le temps très long, gréco-romain, de ce que peut être la nudité. Mais pour le moment, il est vêtu. Voici Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi et comment faire l'histoire des apparences ? Tout le monde connaît le fameux proverbe « l'habit ne fait pas le moine ». C'est l'expression d'une sagesse populaire qui nous invite à nous méfier des capacités que possèdent les individus pour manipuler leur identité sociale. Cette sagesse populaire a incité l'historien Daniel Roche à étudier ce qu'il a appelé la culture des apparences, en se focalisant sur la société parisienne au XVIIIe siècle. L'histoire du vêtement permet en effet d'aller au cœur du monde social, de mettre en lumière ses jeux de pouvoir, d'interroger l'évolution du rapport entre le nécessaire et le superflu, et plus généralement entre l'être et le paraître. À la différence d'une historiographie qui avait eu tendance jusque-là à observer le siècle des Lumières par en haut, en privilégiant les écrits des philosophes et autres érudits, l'histoire du vêtement permet d'étudier les bouleversements de cette époque dans toutes les classes de la société. Au-delà des discours, c'est l'univers des pratiques, des modes et des manières d'aménager son identité personnelle qui sont placés au cœur de la recherche. L'analyse minutieuse d'archives très diverses a permis à Daniel Roche de dresser une typologie des garde-robes nobilières et bourgeoises, puis de montrer comment les normes dominantes en matière d'apparence s'étaient diffusées dans les classes populaires. À partir du XVIIIe siècle, l'habit fit de moins en moins le moine, car la circulation des modes et des vêtements commença à brouiller la hiérarchie des apparences. Les domestiques, qui faisaient le lien entre les élites et le peuple, jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion des modèles dominants. Cette circulation fut également favorisée par les transformations qui affectèrent la société, tout au moins à Paris. La progression générale du niveau de vie, le glissement du pouvoir de la cour de Versailles vers la capitale, l'émergence des femmes dans le champ social, de même que les préoccupations d'hygiène relayées par les médecins, eurent des conséquences importantes dans l'évolution des normes vestimentaires. Les bouleversements qui affectèrent la culture des apparences jouèrent aussi un rôle essentiel dans les progrès du capitalisme. L'industrie du vêtement s'est développée au XVIIIe siècle grâce à l'apparition de nouveaux textiles moins coûteux comme le coton. C'est au cours de cette période que se diffusèrent massivement ce qu'on appelait les indiennes, ces tissus peints ou imprimés, initialement importés des comptoirs des Indes, puis fabriqués en Europe dans des manufactures préfigurant les usines du monde moderne. Le développement de l'industrie textile fut également favorable aux artisans du vêtement. Les tailleurs, merciers, teinturiers, cordonniers occupèrent une place croissante au sein des classes populaires urbaines. De même que les métiers réservés aux femmes, comme les couturières, les lingères, les marchandes de mode, sans oublier les lavandières, qui s'activaient dans les bateaux-lavoirs échelonnés le long de la Seine entre le Pont Neuf et le Pont Royal. C'est grâce au dynamisme de tous ces métiers que Paris est devenue, au XVIIIe siècle, la capitale européenne de la mode. Et c'est grâce à votre dynamisme, Gérard Noiriel, que tout devient plus clair. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André et Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Émission préparée par Anne Toscan-Diudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde, Margot Vielle et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.